الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. Sachez que parmi nous, notre monde de la foi est le fait de croire à l'existence des anges. Et la foi n'est pas complète si l'on n'y croit pas. Nous devons y croire selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé dans son livre du Coran, ainsi que selon la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les anges font partie du monde de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière et les a créés d'une façon complète et parfaite. Il leur a donné la capacité de prendre plusieurs formes. Ils ne mentent pas, ils ne voient pas. Leurs comportements et leurs actes sont purs et parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de façon innée sur la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de Uthman, dit: comment pourrais-je ne pas avoir de la pudeur pour une personne dont même les anges sont pudiques? Et leurs grands auprès d'Allah azza wa jal sont parfaitement alignés. Et les anges sont une déclaration grandiose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été permis de décrire un des anges qui supporte son trône. Entre le lobe de son oreille et son épaule, il y a la distance de 700 ans. Alors, et le meilleur d'entre les anges est Jibril alayhi salam. Il possède 600 ailes. Entre chaque aile, il y a la distance de l'Orient jusqu'à l'Occident. Et chaque aile touche l'horizon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu Jibril alors qu'il avait 600 ailes, et il se propageait de ses plumes. Les pères étaient venus de toutes les couleurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Jibril, il est doté d'une force prodigieuse, possédant une grande intelligence. C'est ainsi qu'il a paru au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous sa forme angélique. Et Jibril possède donc une force incroyable, une sagacité sans pareil et un haut rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il descend sur les messagers avec des informations véridiques et avec la révélation et l'annonce de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il combattit auprès du prophète alayhi salatu wa salam à la bataille de Badr et à celle des coalisés, et il fut son compagnon lors de l'ascension nocturne. Et si Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, il appelle Jibril et il lui dit: oh Jibril, j'aime un tel, aime-le. Alors Jibril l'aimera et il appellera les habitants du ciel et dira: Allah subhanahu wa ta'ala aime un tel, aimez-le. Alors tous ceux qui se trouvent dans le ciel l'aimeront et ils seront ensemble qui soient apprécié sur terre. Et la preuve de leur force grandiose est que si Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à l'homme de prier une seule fois, tout ce qui se trouve sur la terre sera anéanti. Comme ce qui s'est passé avec le peuple de Thamud, quand il fut saisi par le cri, Jibril alayhi salam, cria une seule fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: nous lâchâmes sur nous un seul cri, et les voilà revenus à l'état de palestrie. Leur cœur se déchirait dans leur corps. Ils devaient comme des une paille sur les dedans. Et voilà le exemple de la force extraordinaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses anges. Allah azza wa jal ordonna à Jibril de détruire le peuple de l'autre qui s'adonnait à l'homosexualité et aux turpitudes. Le peuple de l'autre était constitué de sept cités, sept villes, avec tout ce qui se trouve comme être humain, marchandises, aliments et constructions. Jibril, alayhi salam, souleva tout cela juste avec le bout d'une de ses ailes. Il les monta tellement haut que les anges du ciel entendirent l'aboiement de leurs chiens et le cri de leurs coqs. Ils renversèrent les sept cités et les propulsa sur la terre qu'ils engloutirent, et ceci avec le bout de son aile. Et sachez aussi que les anges ont des œuvres multiples. Parmi eux, il y en a qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala depuis leur création. Certains sont inclinés, d'autres prosternés éternellement, et d'autres que seul Allah sait ce qu'ils font comme adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le ciel a fait un gémissement de place, et il est en droit de le faire, car il n'y a pas d'espace de 4 doigts dans le ciel sans qu'il y ait un ange prosterné pour Allah azza wa jal. Allah azza wa jal a protégé l'être humain, il a remonté en plafond comme garant de sa sécurité, les meilleurs de ses créatures. Ils seront autour de lui du jour comme de nuit. Un gardien le jour, un autre la nuit, le préserve du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'ordre d'Allah azza wa jal. Et d'autres se relaient pour noter ses actes et ses paroles. Il n'y a pas une parole qui sorte de notre bouche sans qu'elle soit minutieusement répertoriée par un des anges qui s'occupe de cela. Et on ne dépasse un geste sans que celui-là soit soigneusement enregistré par un des anges qui s'occupe de cela. Et la personne ne vit plus à la fin de son existence est contrôlée par les anges. l'ange qui s'est occupé de le façonner par l'ordre de la subhanahu wa ta'ala, dans le ventre de sa mère, un autre qui lui insulte là, et celui qui lui retire au moment de sa mort, et ils sont plus proches de lui que sa propre veine jugulaire. Et ceci par décret de notre Seigneur, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Et sachez que les anges sont indénombrables, ne connaissent leur nombre que celui qui les a créés, azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne connaît le nombre des soldats que lui, que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé au sujet de Bayt al-Ma'mour, qui est l'équivalent de la Kaaba dans le 7e ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque jour, il rentre 70 000 anges sans jamais vivre du livre. Et nous en connaissons certains nommément, nous connaissons le nom de certains, comme Jibril, qui est le chef des anges et qui s'occupe de la révélation, Mikaïl, qui s'occupe de faire défendre la pluie. Il sera fils, qui s'occupe de souffler dans la mort, Malik, le gardien de l'enfer, et l'ange de la mort, et non pas Al-Rahim, comme certains disent, qui s'occupe de recueillir les âmes au moment de leur mort. Et d'autres dont leur nom nous ont été cachés par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala en a choisi quelqu'un pour supporter souffrance. D'autres sont s'y rapprochés, et d'autres adorent Allah subhanahu wa ta'ala au 7e ciel sans relâche. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. Sachez que les anges aiment les dieux et les œuvres des gens dieux. Ils prient sur ceux qui appellent aux gens leur religion. Ils prient sur le premier rang de la prière. Ils exhortent les gens au bien. Il n'y a pas un jour qui se lève sans que deux anges descendent et disent « Ô Seigneur, rajoute à celui qui défend. » Et il va leur dire, ô Seigneur, diminue à celui qui est là-bas. Et ils font des invocations pour les croyants et implorent pour eux le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus encore, ceux qui supportent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui sont autour font des invocations spécialement pour le croyant qui s'est repenti et qui implorent le pardon de son Seigneur. Ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala de le sauver du feu de l'enfer et de le faire rendre en paradis des délits, ainsi que de le préserver des péchés, des purités et de la turpitude. Et les anges disent Amin à celui qui fait des invocations pour son frère absent et vivre, et pour pouvoir la même chose que lui. Et les anges descendent avec la descente des bénédictions de la miséricorde. Ils descendent également à la nuit du destin. Ils descendent lors de la lecture du Coran. Ils recherchent et entourent les endroits où Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué. Et ils enveloppent les endroits de leur veine jusqu'au premier siècle. Et ils rabaissent leur veine par humilité et par satisfaction pour celui qui étudie la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un grand bien dans le fait qu'on soit proche de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Et il était encore plus généreux pendant le ramadan quand Jibril venait le voir. Et au moment de la mort des dieux, les anges les rappellent des dieux. Ils leur annoncent la bonne nouvelle du paradis. Ils leur enlèvent leur âme. Ils leur enlèvent leur âme avec douceur et compassion. Et ils ont compris d'eux par toutes les portes pour les féliciter de leur rentrer au paradis, le jardin d'Éden. Ils viennent en nombre pour les saluer de cette réjouissance et de ce bienfait et de ce rapprochement dans la demeure de paix auprès des messagers et des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec leur amour des gens pieux, les anges détestent et haïssent ceux qui font des péchés et s'en détournent. Ils maudissent les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont vécu et qui sont morts sous la mécréance, sur eux la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle des anges et de tous les gens reliés à l'univers. Et quand l'heure de la mort des mécréants arrive, les anges lui annoncent le châtiment, la torture et ses douleurs. Alors Adam, le mécréant, explosera dans son corps de crainte de cette annonce et ne voudra pas sortir. Les anges le frapperont alors avec force et vigueur sur son derrière et sur son visage pour faire sortir son âme et lui diront « Laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment et l'humiliation pour ce que vous dites. Pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez hors complètement de ces enseignements. Les anges ne rentrent pas dans les maisons où il y a des chiens, des représentations ou de la musique. Ils ne supportent pas ce qui est insupportable aux enfants d'Adam, comme les mauvais fauteurs. Et sachez que les anges sont des serviteurs honorés. Ils ont une place importante auprès de leur Seigneur. Et ils sont pour Allah, subhanahu wa ta'ala, dans une totale conviction et dans une parfaite adoration. Ils ne demandent pas son commandement et agissent selon son ordre. Ils ne divergent pas de ses ordres et ne les dénigrent pas. Ils ne se lassent pas de son adoration et ils exaltent sa gloire jour et nuit, ils ne se l'interrompent jamais. Si Allah subhanahu wa ta'ala décrète un ordre dans le ciel, Les anges émettent un son par une unité, un son qui englobe tout, et si Allah subhanahu wa ta'ala vient de dire une chose, il parle pour éviter cette révélation. Et les cieux en font le parfum d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand les anges sont dans le ciel en tant que Allah, la parole d'Allah et la révélation, ils se ruent et ses pauvres vont prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier qui lèvera sa tête est Jibril, et Allah subhanahu wa ta'ala lui parlera pour qu'il transmette la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des anges, il n'y en a pas un parmi nous, yani parmi les anges, qui n'est une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang, et si nous célébrons la gloire d'Allah azza wa jal. ثم اعلموا ان الله امركم بالصلاه والسلام على نبيه وقال فقال في اخر التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المهمومين واقض الدين عن المدينين ويسر امور المسلمين اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه ومن كل مرض شفاء ومن كل دين وفاء ومن كل حاجه قضاء ومن كل ذنب مغفره ورحمه اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد اللهم أقل عثرات المسلمين اللهم ارحم المنكوبين والجوعى والخاشقين والمظلومين اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واصبر سقيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الكريم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Thank you.